Il n'y a pas de définition à empathie, ni dans le Littré, ni dans le Trésor de la langue française, ni dans le dictionnaire de l'Académie. Mais j'ai trouvé un article dans l'encyclopédie en ligne, Wikipédia. L'empathie implique un processus de recul intellectuel qui vise la compréhension des états émotionnels des autres, tandis que la sympathie comporte une dimension affective. L'empathie repose sur une capacité d'imagination. La sympathie repose plus sur la proximité affective, une sorte de contagion émotionnelle avec celui ou celle qui en est l'objet. J'ai pensé que la création littéraire était exactement à ce carrefour de sympathie et d'empathie, de proximité et d'écart, d'affect et d'intellect, de contagion et d'imagination, d'émotion et de réflexion. Et puis je suis tombée sur un autre terme qu'on utilise dans la marine, qui rend solide la fabrication des navires, empâture. Partie, suivant laquelle deux pièces de bois qui se croisent sont réunies l'une à l'autre. J'allais croiser Patty et moi. Réalité et fiction. Déjà, il y avait les vagues. Waves. I was running after you for a long time. I was watching you for... Actually, I've watched you for a long time. I like to watch you when you're... Le corps plein d'un rêve. Cette vie de Patty Smith. De Claudine Galea. Les enfants du rock étaient là, par milliers. À mes pieds, sur la scène, il y avait Lenny. Richard, Niven and JD. On avait chanté. Dancing Barefoot and Broken Flag and Frederick and Wave and Gloria and Lamb. Et une vingtaine d'autres. C'était la fin. C'était vraiment la fin. Personne ne le savait, moi je le savais. J'étais fatiguée. Le matin, j'avais voulu sortir, j'avais dû rentrer à l'hôtel, j'avais dû rester à l'hôtel. Je me cachais. Il y avait toutes ces filles dehors avec leurs chemises blanches et leurs cravates noires, ces doubles. La même chose à Bologne. Il y avait ces centaines de personnes qui s'accrochaient à nous et nous demandaient de l'aide. Pour libérer des prisonniers politiques, conforter les positions de la marge, j'étais devenue une icône. Et pour cette image-là, dupliquée, en chemise blanche et cravate noire, je n'avais plus de mots. Avant le concert à Bologne, il y avait les mecs de la sécurité en armes. J'entrais en scène entourée de mitraillettes. Je me suis agenouillée pour une prière. Nous jouions pour une municipalité communiste. Il y avait le drapeau américain que je voulais hisser sur scène et Todd, mon frère. Let's raise it. Let's raise hell. Ils sont le diable. Et maintenant, à Florence, le nouveau pape. Oui. Et ces millions de personnes agitant leurs mains. Il y avait 80 000 personnes dans l'arène. Ce n'était plus un concert. Ça ne voulait plus dire grand-chose. Les doubles, les cris, les armes, le pape, les drapeaux. Signifying nothing but the end of the line for a rock and roll band. Ça ne signifiait plus rien, sauf la fin d'une époque pour un groupe de rock. On allait commencer la chanson des Who. Talking about my generation. J'avais parlé avec mon amour il y avait à peine 3 heures. Fred, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer sans toi. 80 000 ou 70 000, je ne sais pas. Trop en tout cas. Trop pour toucher les âmes encore. Trop pour m'adresser aux esprits et leurs mains. Des vagues. Waving. Des vagues. Waving. When I entered rock and roll, I entered in a political way. Not as a career. Quand j'ai commencé le rock and roll, c'était un geste politique, pas une carrière. Les copies, les facsimilés dans les rues de Florence. 80 000 vociférants. Je n'étais pas Elvis. Je n'étais pas Mick. It was just getting worse. And I felt that it was time for me to do something. J'ai senti qu'il était temps pour moi de faire quelque chose. I hope I die before I get old. J'espère que je mourrai avant de devenir vieille. This is my generation. This is my generation, baby. Ça fait 7 ans que j'ai commencé et je n'ai plus arrêté. Si on accepte cette année. Cette année 77 où je suis tombée et je me suis relevée, je voudrais vous dire, prenez soin de votre terre. Elle est vraiment magnifique. Plus tard, je le dirai plus tard. J'ai beaucoup à vous dire. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux même pas penser. Vous non plus, vous ne pensez pas. Vous agitez vos mains. Vague. Je ne peux plus rien vous dire ici, sur une scène. Je veux parler à chacun d'entre vous. Vous ne me ferez pas ce que vous avez fait à Bob. Confondre un poète et un agitateur politique. J'ai besoin de réfléchir, de vous retrouver ailleurs, plus tard, de vous parler un à un. Le rock'n'roll n'est plus une mer de possibilités. Le rock'n'roll est morte. Maintenant, on est en 1979 et je suis toujours à fond dans ce que je fais. Mais à ce moment de ma vie, je dois m'arrêter et me demander qu'est-ce que je fais. J'avais dit Patty Smith. C'est elle qui était venue, qui était là depuis longtemps. J'avais 16 ans, elle en avait 30. Elle faisait un tabac sur la scène rock. J'allais au lycée. Elle vivait à New York. J'habitais dans la banlieue de Marseille. Elle dévorait la vie par tous les bouts. J'avais failli la quitter quelques mois auparavant, la vie. Elle était célèbre, avait des fans dans le monde entier. Je n'étais pas une fan. Je n'écoutais pas de rock. Je ne suivais pas la mode punk. Je n'avais pas d'idole. Je ne connaissais pas le sexe, la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit. J'étais une oie blanche. Elle était une star. Mais je l'avais écoutée un samedi après-midi et elle m'était entrée dans le corps, à l'endroit exact où le corps est tout. Les sens, les émotions, l'intelligence, l'esprit, tout. Ma Jeanne d'Arc à moi, c'était elle. La grâce d'une voix m'avait traversée une après-midi de l'année 76 au bord de la mer. Elle m'était entrée dans le corps. La femme, l'artiste, l'inclassable, la rebelle, l'être libre, l'androgyne. J'avais dit Patty Smith. Oh morte, où est ta victoire? Oh death, are you the only? Je ne voulais pas être une chanteuse de rock'n'roll. Je ne voulais pas faire carrière dans le rock'n'roll, dans le business. Ce n'est pas ce que j'ai cherché. Ce que je cherche, c'est être avec vous. You're my kids and no more. You're my kids and you're no more. Vous êtes mes enfants, pas plus. Mes enfants seulement. C'est la dernière fois que je chante. My generation. Vous n'êtes plus ma génération. You're a new generation. I don't know you and you don't know me. The ultimate concert. This is the end. I'm sorry, but I'm not sad. Being a rock star is intoxicating. But it ain't enough. Vous êtes une nouvelle génération. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. C'est le dernier concert. La fin. Je suis désolée, mais je ne suis pas triste. Être une rockstar, c'est grisant, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas triste. Life is beauty. Life is grace. Life is happiness. La vie est bonheur. I adore life. J'adore la vie. I walk. Brian mort il y a 10 ans. Kurt dans 15 ans. Street where I was born. This is not my hope. This is not my point. Ce n'est pas ça dont je rêve. Ce n'est pas mon but. Ou alors donner sa vie pour autre chose. Donner sa vie sans la perdre. D'autres voyages m'appellent. No time to die. Ce n'est pas l'heure de mourir. J'ai envie d'autre chose. Le reste me rend malade. I feel upset. I walk in the bitter. Je n'avais pas beaucoup pensé à elle pendant 30 ans. Je ne l'avais pas souvent écoutée jusqu'en 2004, l'année de Trumping, qui n'était pas que l'année de Trumping, mais l'année de la deuxième fois où j'avais failli laisser la vie. L'année du deuxième premier amour. L'année où mon corps d'adulte avait retrouvé ses formes adolescentes, un corps de fille-garçon, de garçon-fille, à cette frontière où je me tiens, cette place au bord où je fais l'écrivain. Qu'avons-nous fait du rock'n'roll? Raven. Rimbaud, fait-il un signe? Non, il fixe le vide. C'est ce que je vois, le vide. I prefer life, you prefer life. Je préfère la vie, vous préférez la vie? C'est ça que je veux vous dire. The real thing is to keep rock'n'roll in the hands of the people. Keep it as a grassroots and cultural voice. Not something that was big and glamorous and materialistic. Je prends des notes à l'hôtel, je prends des notes pour ne pas tomber, pour ne pas être emporté par la foule. Pour y voir clair, pour me souvenir aussi. Je prends des notes pour ne pas oublier. Je prends des notes pour l'avenir. The real heart of rock and roll is its revolutionary cultural voice. L'important, c'est de laisser le rock entre les mains du peuple. Le rock est une voix culturelle, une voix des racines. Pas un truc énorme plein de glamour et matérialiste. Le rock est le corps plein d'un rêve. Je ne peux pas rêver. Vous ne me faites pas rêver. Je ne vous fais pas rêver. Bandez-vous peut-être, je vous fais bander. You wanna dream? Dream it, let's try. Let's try hope, come on everybody. Cha-cha, go on, dream it. Je veux ce rêve. No life without dream, no dream, no life. Come on, I'm dreaming, Fred's dreaming. You wanna dream? Vous voulez rêver? Rêvons. essayons, essayons l'espoir. Allez, venez, pas de vie sans rêve, pas de rêve, pas de vie, allez. Je rêve, Fred rêve, voulez-vous rêver? J'aime cet homme, Frédéric, j'aime être avec lui, j'aime être avec vous. Mais qui êtes-vous et qui je suis? We have to ask the question. Nous devons nous poser la question, reprendre tout du début. A new life. Une nouvelle vie, j'ai 33 ans. That's the point, you understand. C'est le moment où vous pigez, cherchez l'amour, sans exception, une sainte sous toutes ses formes. Seek a love without exception, a saint in any form. Cherchez l'amour sans exception. So we shall live again. En 1979, après un concert à Florence devant 80 000 personnes, Patty annonce à ses musiciens qu'elle arrête. Elle se retire au bord du lac Saint-Clair avec Fred Sonic Smith. Elle y vivra en famille jusqu'en 1995. Deux enfants naissent en 82 et 87, Jackson et Jess. En 1988, 9 ans après avoir quitté la scène, elle sort un nouveau disque, Dream of Life, mais refuse la tournée. J'ai dit Patti Smith. Dream of Life est son quatrième opus après Horses. Et je ne savais presque rien d'elle. Radio Ethiopia et Easter. Mais la magie et la vérité, c'est ça. Que ce fut elle à 16 ans et que ce soit encore elle à 47. Je vais à la rencontre de cet après-midi sur la Côte Bleue, il y a 32 ans. Ce jour où, sans le savoir, elle a mis quelque chose à nu. La belle de Horses. Pantalon, chemise, cravate, entourée d'hommes au clavier, guitare, drums. C'est elle qui a les cheveux les moins longs du quatuor. La rebelle ne se fiant qu'à sa propre voix, sa voix de femme, ses mots de femme, sa rage de femme. De sa voix à mon corps ce frisson. Tu ne reviendras jamais dans mes bras. Tu es parti, parti, parti. Never return into my arms, cause you are gone, gone, gone. J'avais bien entendu la voix plus que le message. Sans voix, les messages, je leur barrais le passage. Ma tête pleine à ras-bord, ras-le-bol. Ma mère, grande prêtresse des messages, injonctions, conseils, ordres, avis, recommandations. La voix, prémonitoire, révélatrice. Correspondance secrète, ça s'appelle. Vous savez bien, le truc incroyable qui arrive à l'adolescence et qu'on sait pour toujours. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'en ai passé une partie avec mon père. J'ai partagé son désir de l'union parfaite. Je reconnais en lui l'authentique réprouvé. Je reconnais en lui un homme à lunettes noires, de taille moyenne, en chemise marron, un acrobate, un coureur, un ouvrier d'usine et le mari de ma mère. Je reconnais un homme dont les rêves aussi ont été envahis et je crois vraiment que personne n'est plus proche de Dieu que mon père. Elle est née le 30 décembre 1946. Elle allait changer d'année. She was the first, my first one. My little baby. Ma mère chantait du jazz. On vivait à Chicago, dans le South Side. Et puis, on a déménagé à Philadelphie. Patty avait 4 ans. J'avais 4 ans. À 7 ans, elle a fait une scarlatine. Elle est restée au lit pendant des semaines. Elle n'allait plus à l'école. Est-ce que c'est là que j'ai commencé à me sentir différente? Je me suis toujours sentie différente. Qu'est-ce que ça veut dire, différente? Je ferai ma vie comme je la rêve. Elle avait des visions. Des hallucinations. C'est impressionnant, une fièvre pareille chez une enfant. J'ai toujours pensé qu'il y avait plusieurs vies dans la vie. C'est pour ça que je suis différente. J'aurai plusieurs vies. C'est l'histoire que je me suis racontée très tôt dans ma tête. Patty was different. I can't explain it, but everybody could see that. Patty était différente. Je ne peux pas expliquer, mais tout le monde le sentait. She wasn't very attractive, very verbal, very smart in school. She wasn't anything that showed the world that she was something special. But she had this tremendous hope all the time. Je n'étais pas très attirante, pas loquace, pas très scolaire. Je n'affichais rien qui pouvait montrer aux autres que j'avais quelque chose de spécial. Mais moi, j'avais cet espoir extraordinaire en permanence dans la tête. C'était une gamine très joyeuse, qui avait confiance. Elle était très maigre avec des grands yeux et des cheveux en bataille. J'étais une oie sauvage. You see? Pas une mouette. A goat girl. On écoutait beaucoup de musique. Patty était fan de Maria Callas. Elle aussi, elle était différente, Maria Callas. On lui a assez reproché. She liked singing. Elle aimait chanter. Je pensais que je voulais être une chanteuse de jazz. Comme moi. Et puis j'ai entendu Little Richard, A Girl Can't Help It, et Tutti Frutti. Vous connaissez Tutti Frutti? Tout le monde connaît Tutti Frutti. On habitait en banlieue de Philadelphie. Mes copains étaient blacks, on dansait et on chantait comme des dieux. On habitait en banlieue de Philadelphie. Patty s'est arrêtée au milieu de la rue. Elle m'a serré très fort la main. C'était dimanche, je tenais la main de ma mère. Elle m'emmenait au catéchisme. Ma mère portait des gants d'enfant comme le lapin blanc dans Alice. On passait près du Boys Clubhouse et j'ai entendu un truc incroyable. Un truc qui ressemblait à rien. C'était un truc complètement nouveau et même si je ne comprenais pas ce qui m'emportait, j'étais emportée, j'étais ailleurs, j'étais loin. Voilà, c'était Little Richard. Et pour moi, c'était la naissance du rock'n'roll. Patty publie son premier livre de poésie, Seventh Heaven, en 1972. Elle a 26 ans. J'ai dessiné un moment, mais certains l'ont découvert et j'ai eu peur d'être classée artiste. Je caresse le clavier du piano. Il sonne faux. Le piano de la sœur pianiste morte, de ma mère morte, ne peut pas être réaccordé. Ils ne peuvent pas me classer sans preuve. La peur est partie, pas le dessin. J'aime faire courir ma main sur la peau de chaque dessin. J'écris des livres parce que je ne joue pas du piano. Suivant Kodak, Witt, Bagel, j'écris des livres sur le clavier muet d'un piano de fiction. Early Work, qui regroupe ses écrits de jeunesse, The Coral Sea sur des photos de Robert Mapplethorpe, et Arteries of Innocence, le dernier paru à ce jour en 2006. Vivre sa vie. No rules, no boundaries. Vivre sa vie. Pas de normes, pas de frontières. Je ne voulais pas choisir. I'll be a sexpot. I'll be a wife. I'm flexible. I can marry in a moment. Je serai un symbole sexuel. Je serai une épouse. Je peux être les deux. Je n'ai pas choisi. C'est la vie qui m'a choisi. Elle a choisi le rock'n'roll et l'amour. La musique et l'amour. Pendant 15 ans, toute ma vie, je l'ai vécu dehors. Dehors. Dans les rues. Dans les soirées, sur les scènes du monde entier. Ma vie était aux autres. Elle était au public. Aux hommes aussi. Et aux femmes. J'avais choisi la vie. Je n'ai jamais cédé à l'empire des drogues. Je leur donnais pas ma vie. Elles m'ont donné des visions, elles m'ont donné des images, c'est tout. J'avais pas l'intention de leur sacrifier ma jeunesse. Je voulais autre chose. Dehors, je ne m'appartenais plus. Ma place, je l'ai retrouvée avec Fred et Jackson et Jess. C'est là que je me suis retrouvée. Dès que je ne m'appartiens plus, la musique me quitte. La mort guette. En 79, je sentais venir la fin. Je n'avais plus de force. J'étais dehors au milieu de ces milliers de gens. J'étais seule. Il y avait ma bande, ma famille, Lenny, Ivan, Richard, Tom, JD. Mais ils ne pouvaient rien pour moi. Je me sentais seule à crever. C'était la fin du rock'n'roll. Une fin. Fallait que je fasse le saut. Fred m'attendait de l'autre côté. Une autre vie m'attendait. Ma deuxième vie. I'm a chameleon. Je suis un caméléon. J'ai besoin de toutes les couleurs pour chanter. Comme Picasso. J'ai beaucoup aimé Picasso quand j'étais jeune. Besoin d'être dehors et dedans. La musique a besoin de ça. Pas seulement moi, la vie a besoin de ça. La vie intérieure, c'est ça. J'avais besoin de savoir une nouvelle fois qui j'étais. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un nom? What does it mean to be called? Pendant toutes ces années, chaque fois que je faisais un disque, je retrouvais mon autre famille. Dans ma troisième vie, c'est pareil. Fred était mort, et Todd et Robert et Richard et d'autres amis encore, d'autres amants. J'ai toujours fui la mort. Il faut fuir la mort. Je suis toujours allée vers la vie. Life calls me. La vie m'appelle. I know what it is to be called. Je suis revenue vers vous dehors. Vous avez changé, moi aussi. J'ai emmené les gosses, vivre et faire de la musique avec moi. On était assez costauds tous les trois pour pouvoir être à nouveau dehors. Dans ce monde bruyant. Assez fort. Assez armé pour se risquer dehors sans se faire dévorer. On a refondé une famille avec ceux qui étaient restés vivants et d'autres. De nouvelles personnes. Magnifiques. Now you've heard all my French. 16 and time to pay off. I got this job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, Olympia, 28 mai 2007. Avant le concert, serré comme des pingouins sur une banquise de 35 degrés. Je l'aime, je l'adore. Maëva, 16 ans. Mais c'est pas ta génération? Non, c'est mon père qui me l'a fait écouter. Tu aimes ce qu'écoute ton père? Ah non, hein. Pas Johnny Hallyday. C'est la première fois que tu la vois? La quatrième. Elle est trop géniale. Patti Smith a toujours chanté les poètes, fait des lectures dans ses concerts ou à l'invitation d'autres artistes. Rockin' Rainbow, c'est son surnom quand elle démarre. À 18 ans, dans le New Jersey, Patti travaille dans une usine de jouets qu'elle immortalisera quelques années plus tard dans son premier single Piss Factory. Pendant une pause déjeuner, elle quitte l'usine et va chez un bouquiniste. Elle voit le beau visage de Rimbaud en couverture des Illuminations, une édition bilingue. Elle lit le livre à l'usine. La légende dit que ça lui a coûté son job. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dans les monitors et les voiliers des anses. Je travaillais dans cette usine de merde. Pour pas repêcher la carcasse ivre de... J'allais trop vite. Je foutais la cadence en l'air. Les autres se foutaient en l'air. Je foutais en l'air la cadence qui fout en l'air. On voulait me foutre dehors. Je mangeais mon hot dog. Et je l'ai vu qui traînait sur la table, le beau visage de Rimbaud. Je me suis tiré de l'usine de merde. I refuse to sweat bullshit. I refuse to faint. I refuse to move. Nothing here to hide, save desire. Hide here, save desire. Lucky I lived to come over the nation. These bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job. J'ai vu les cheveux de Rimbaud, sa gueule de marin. Plus beau que n'importe quel mec dans le coin. Libre. Fumant, montée de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur. Il causait ces mots partout dans mon crâne pendant que je bossais et que ma voisine bossait et nous semblions les mêmes, le moi dans mon cerveau brillait ces putains d'illuminations. My salvation, all stolen, but no crime since has been so sweet. No perfume, I've been to fill my You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back. Je me suis tiré de ce foutu trou du cul du monde. J'ai pris un aller simple pour New York. Le voyage est la clé. Pardon, Rimbaud. Pas la charité, la clé des songes. Rêve de Rimbaud. Oh Arthur, Arthur. Je suis partie à sa recherche, à la recherche de mon exactitude, ou plutôt mon exactitude pour elle. J'avais dit Patti Smith. Patti Smith, à 16 ans, m'avait sorti de Ferra, de Brassens et de John Baez. C'est pas les Beatles, mon 33 préféré. C'est pas le disque blanc, ni les Rolling Stones, ni Neil Young. Ah si, Harvest God Harvest, à 15 ans, juste avant que je meure. Et voilà, j'étais morte. Celle qui était en vie à 16 ans, elle avait pas encore de voix. Et puis, il y a eu la sienne, un soir que les chevaux ont pris la mer. Une grande voix pour un tout petit corps. Je pesais quoi? Allez, 47 kilos tout habillé. Cette putain de voix, ça pourrait être la mienne. Sa voix, mon corps, son corps, ma voix, à m'en étouffer. J'ai étouffé. Je l'ai entendu une fois et puis j'ai plus pu. Pendant des années, la musique m'habite. J'ai plus pu. C'est elle qui m'habite. J'y laisserai les mots quand les mots ne joueront plus pour moi. Quand je n'entendrai plus aucun son. Quand l'harmonie aura cédé le pas à la guerre. À la guerre dehors. À la guerre dedans. Toute la guerre. Je n'entends plus que des bataillons qui m'aveuglent et me font hurler en silence. Il n'y a personne pour me sortir de ce désastre. Et je fais le désastre chaque jour que j'ouvre les yeux. J'avais 20 ans. I could draw and write and read and sing. I could dream in Brooklyn with Robert. Jimmy Shelter, en boucle sur la platine et Brian Jones dans la piscine. And I performed theater. I liked it. Je pouvais dessiner et écrire et lire et chanter. Je pouvais rêver. J'étais à Brooklyn avec Robert. Et je faisais du théâtre. J'avais des illuminations. Ça pourrait être à Charleville. Ça pourrait être partout. Oh my God. Je le désire. Sale fils de pute. Il lèche ma main, nous nous étreignons, nous sommes sur le lit. Je pose un couteau sur sa gorge lisse. En 1967, Patti prend un aller simple pour New York. I was influenced by Jim Morrison, Bob Dylan and the Rolling Stones. Elle vit avec le photographe Robert Mapplethorpe. Ils emménagent au Chelsea Hotel. Leur voisin et ami s'appelle William Burroughs, Allen Ginsberg, Janis Joplin... Elle va à Paris pour voir la tombe de Rimbaud. 1976, 16 ans. 1976, année du bac de français. 16 ans. Je suis une fille qui met des sabots et de grands pulls larges. Une fille fine qui sort d'une anorexie grave. Une fille qui aime les mots, qui aime les voix. Une fille qui fait du théâtre et qui joue mal parce qu'elle n'entend pas sa voix, la sienne, sa propre sale voix. Une fille qui fume des gauloises en cachette et qui ne traîne pas dans les bars. Une fille qui lit Éluard et Bernard Noël, Marguerite Duras et Monterland. Une fille qui aimerait faire du piano et qui ne fait pas de piano, qui aimerait danser et qui ne suit pas de cours de danse. Une fille qui adore la mer et qui ne sait pas nager. Une fille amoureuse de sa prof d'histoire. Une fille amoureuse. Une fille qui a embrassé son premier garçon et qui n'a pas du tout aimé. Et qui n'a pas du tout aimé. Une fille différente à la maison et au lycée. Une fille double, duel. Une fille et puis une autre. Et cette autre fille a une copine qui se peint les ongles en noir et qui n'écoute que des groupes anglais. Une copine infréquentable. Mais sa mère est institutrice. Et ma mère est institutrice. Et un jour, je suis invitée à son anniversaire. Il y a une autre copine qui ne se peint pas les ongles en noir et qui ne porte pas non plus de sabots. On est toutes les trois. Un samedi après-midi à Ansuès-la-Rodonne sur la côte bleue. On est toutes les trois. Et derrière les murs, samedi, il y a la mer. Et on peut la voir quand on sort. Et je sors parce que je n'aime pas vraiment les groupes anglais. On peut la voir quand on sort. Et puis à un moment, et je sors parce que fille aux ongles noirs. J'aime pas voir les groupes anglais. Et puis, c'est un moment chiant. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Robert. Maplethorpe. Bob. Dylan. Sam. Shepherd. John. Coltrane. Andy. Warhol. Kurt. Cobain. Jean. Genet. Arthur. Rimbaud. William. Blake. William. Burroughs. Allen. Ginsberg. Lucien. Sewell. Todd. Smith. Jackson. Smith. Alexandre. Legrand. Fred. Smith. Ivan. Crow. Brian. Jones. Gerard. Malinger. Henri. Michel. À New York, Jim, Carol, elle aime Sam Shepard. Elle joue dans ses pièces. Jim, Morrison, elle dessine. Mohammed, le 10 février 1971, en première partie du poète Gérard Malanga, elle donne une lecture à l'église Saint-Marc, accompagnée par Lenny Kaye. Elle dit sa Ballad of a Bad Boy, qu'elle a écrite l'année précédente. C'est sa première performance. Elle improvise et cite tous ceux qu'elle aime, ses « bad boys », de Jean Genet à Jackson Pollock, sans oublier Jésus et Rimbaud. Nick, Tosh, Vim, Wenders, Tenzin, Gyatso Dalai Lama, Michael, Michelangelo, Mohandas Karamchand, Gandhi, George, Bush. Ma vie commence. J'ai cette chance inouïe. Ma vie commence. Je ne vais pas la brader. Je ne la vendrai ni à la drogue, ni à l'argent, ni au bravo, ni à l'adoration. Ma vie commence. Je suis la petite sœur d'un homme en enfer. Rock'n'Rambo. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui m'appelez comme ça. Je suis montée sur une scène et n'en redescendrai jamais. J'ai tant à vous dire. Splendide est la beauté. Watch me. Watch me now. Shut up, everybody. Regardez-moi. Allez, regardez-moi. Et fermez-la. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Cette voix est désarticulée, ardente, rageuse. Elle accroche, elle mord, elle râle, elle moque, elle m'appelle, elle me connaît, je la connais, je l'ai jamais entendue. C'est quoi cette putain de voix? C'est qui, je dis? Patti Smith? Patti? La belle fille me tend la pochette du 33. Jeune, maigre, fille, garçon manqué. Elle se la joue avec la veste sur l'épaule et la cravate défaite. Les cheveux pas peignés, la belle bouche, le regard hautain. Elle se la joue. Mais la voix joue pas, la voix frime pas. La voix, c'est la voix. Elle dit la voix. Gloria. Gloria, ça lui va bien, la fille qui s'appelle Patti. Elle a la gueule et la voix et l'allure pour ça. La gloire. Ma copine monte le son. Le son envahit la maison. J'ouvre la porte. Le son envahit le paysage. Le son envahit l'après-midi. Puis le soir. Le son envahit le soir. Envahit la mer. Le son envahit ma tête, mon corps, mon trouble, ma peur, mon désir, ma honte, ma force, ma haine, ma colère, ma folie, ma foi. Je pars. Je rêve sur la mer embarquée avec Gloria. Parce que c'est Gloria qu'elle a passé en premier, ma copine, la belle fille. Parce qu'elle est fan. Que Patti, c'est Gloria pour les fans, pour les jeunes. Mais moi, je suis pas femme, je suis pas jeune. J'ai 120 ans à 16 ans, je suis vieille, j'ai déjà failli mourir. Je suis vraiment morte un peu. Et Gloria, pour moi, ça marche aussi à fond. Gloria, je sais ce que c'est. C'est la mort, justement, et la résurrection. Alors, Gloria me reste dans la tête pendant que j'écoute Elegie. La belle fille aime bien passer les titres dans le désordre. Entre chaque titre, le diamant sur l'électrophone zigzague et cisaille l'air de grincement affreux. Donc, j'écoute pas Elegie. Elegie passe comme un vent mélancolique sur la mer. La belle fille a compris que j'étais accro et elle sait que Land va me rendre encore plus accro. Elle garde Land pour la fin, pour la belle bouche de Patty et pour mes oreilles, mon ventre, ma tête, mon corps, mes jambes, mon souffle, mes yeux, tout. La voix vient me rechercher sur Bracket Up. Take me please. Je suis bonne en anglais comme on est bon au lycée, c'est-à-dire que je comprends pas un mot de ce qu'elle chante, mais take me, oh please, take me with you, je comprends. Après, je me souviens plus dans quel ordre elle a passé les chansons. Maintenant, c'est Birdland et son Father Died. Et j'écoute attentivement parce qu'il s'agit d'une histoire de père. Et que mon père, je l'aime bien, mais je ne lui dis pas. Je ne l'ai pas vu beaucoup toutes ces années. Et que ma mère, la mère plein d'eau, plein le corps, plein la tête de la mère. She was not human. Ça, j'entendais très, très, très bien. Que she was not human, en fait, c'était he. Mais j'entendais she. Très, très, très bien. Quelque chose déchiré dans cette chanson. Je savais pas quoi, mais j'aimais bien ce qui déchirait. Et la voix se déchirait bien aussi. C'était fini. Patty ne me quitterait plus. Je ne le savais pas et j'allais tout faire pour qu'elle me quitte. Mais je l'avais dans la poitrine, la voix de Patty. Après, sur Redondo Beach, j'ai cru que ça allait être gay. Et puis, j'ai bizarrement eu envie de pleurer. Quelque chose d'autre encore était passé de Patty à moi. Et c'est ce que j'allais essayer de virer. On m'avait fichu la nostalgie de ne pas être ce que j'étais. Parce qu'alors, j'avais choisi la nostalgie et les larmes plutôt que la rage et le cri. Et que c'est pour ça que je suis devenue écrivain et pas musicienne ou comédienne. J'allais enfermer ma voix dans ma gorge au lieu de la sortir de mes tripes. Et je pourrais pas parler juste sur les planches. Et je suivrais pas les cours de chant jusqu'au bout. Et il y aurait des mots plus tard. Après, finalement, enfin, les mots, heureusement. Parce que j'aimais trop les mots. J'aimais les lire à défaut de les dire. Parce que sans les mots et sans le corps brisé aussi avec la voix, je pouvais pas vivre. Alors, j'ai mis les mots silencieusement sur les pages. Et petit à petit, les mots ont laissé sortir la voix. Et les mots sur la mer se sont déchaînés. Mais là, à 16 ans, j'avais pas encore les mots. Et c'était terrible. Et quand Land est arrivé, j'essuyais mes larmes debout devant la mer. Les filles étaient restées dedans. Elles causaient, elles écoutaient plus. Moi, j'écoutais encore. La voix qui parle d'abord, qui scande. Et j'y comprenais presque rien. Il était question d'un boy. Et Patty avait sa voix de mec, sa voix acide. Et puis elle a commencé. Horses, horses, horses. J'ai vu les chevaux. Je regardais la mer, je voyais des chevaux dans les vagues. Et puis la belle fille est sortie sur la terrasse. Et elle a commencé à danser en rigolant. Elle avait monté le son au maximum et elle se déhanchait à fond entre la mer et moi. Ses cheveux noirs lui arrivaient aux fesses. J'aimais les chevaux de cette fille. Ils lui donnaient cet air de fille que j'aimais et que j'arrivais pas à avoir. Et elle dansait sans retenue. Elle balançait la tête et ses chevaux giflaient l'air et mes seins et mes joues et mes mains. Et elle riait et Patty continuait. Et ma copine m'a attrapé les mains et a voulu m'entraîner, mais je pouvais pas. J'avais plus de corps, j'avais plus de tête. Cette voix m'avait fait apparaître, disparaître. Et je suis restée là, entre la belle fille qui riait et qui sautait, et Patty dans mon dos. Twistelette, twistelette, twistelette, twistelette, twistelette. Ça se calmait, et ça reprenait plus fort. Et la mer était toute noire. On n'y voyait plus rien. On faisait plus qu'entendre. Fin octobre 2006, un lieu culte du rock new-yorkais, le CBGB's, ferme ses portes. C'est Patty qui donne le concert de clôture. Dans ce club de l'East Village, au milieu des années 70, on venait boire un coup et écouter le Patti Smith Group et Television Blondie Talking Heads. On croisait Lou Reed et Andy Warhol et toutes les célébrités du moment. C'est là que Patty a fait ses armes d'égérie. C'est là qu'elle remonte en scène après sa chute en 77, le jour de Pâques. Elle prépare son nouveau disque, Easter. Un soir de 78, elle attend un coup de fil de Fred. Elle tombe sur une cassette de Bruce Springsteen. Ce sera la musique de Because the Night. En 8 ans et 3 disques, Patti Smith est devenue une star. Quand elle quitte la scène en 79, elle a seulement 33 ans. Exactement 33 ans. Jesus died for somebody's sins but not mine. I'm an outsider. I'll go far. Outside of society. I'm a rock and roll nigger. Nigger is a word not invented for color. It's a word made for the plague, the artist, the mutant, the rock and roll mulatto. Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un mais pas les miens. Je suis une outsider. J'irai loin, au-delà du monde, hors de la société. Je suis un rock and roll nigger. Nègre n'a pas été inventé pour la couleur mais pour le combat. L'artiste, le mutant, le rock and roll du mulâtre, du métis. I'm so young. I'm so goddamn young. Le soir, j'ai pas pu manger. On a dormi chez elle, et le lendemain, je suis rentrée chez ma mère. Et le surlendemain, il y avait lycée. Et ma copine m'a dit, « Tu veux que je te fasse une cassette ?» Et j'ai dit, « Non, je veux pas. » Et je lui ai tourné le dos. Elle a eu un drôle de regard, mais j'ai tourné le dos. Cet été-là, j'ai écouté en boucle la cinquième de Mahler, en lisant Les Vagues de Virginia Woolf. C'était tout ce que je pouvais faire. Mahler pour la mélancolie et Woolf pour la beauté sans limite. Enfin, quelqu'un tenait la route depuis Patti Smith. Virginia tenait tête à Patricia. La littérature à la musique. J'y croyais pas, mais je serais sauvée. This is a little piece called The Ballad of Isabel Eberhardt. I need a harem of men, so many rhythms within. Il me faut un harem d'hommes, tant de rythmes à l'intérieur, mon tourbillon insatiable, le vent, le sable, les mondes que j'étreins. En 1989, son premier amour, Robert Mapplethorpe, meurt du sida. En 1991, son pianiste Richard Sowell meurt d'un accident cardiaque. En 1995, Fred, son mari, et Todd, son frère, meurent à un mois d'intervalle. Allen Ginsberg lui écrit: Let go of the spirit of the departed and continue your life celebration. Laisse les esprits des morts et continue ta célébration de la vie. Patti remonte sur scène et sort un cinquième disque, Gone Again. J'avais pas le choix. Todd me l'avait dit, avant même il me l'avait dit. On est parti faire un tour en voiture. J'ai mis la cassette de Natural Born Killers à plein volume, où Patti chante Rock'n'Roll Nigger. J'ai chanté, et elle a chanté avec moi. Je lui ai dit, faut que tu remontes sur scène. You're gonna make it, and I'll be there. You'll do new work and take it to the people, and I'll be right by your side. Tu vas le faire, et je serai là. Tu vas faire de nouvelles chansons et les donner au public, et je serai à côté de toi. C'était Thanksgiving, et Fred venait de mourir. Après, j'avais encore moins le choix. Après, c'était une question de survie. Todd n'était plus là, mais Jackson et Jess, mes enfants, étaient là. Death and love and anger. Mort, amour et rage. Beaucoup d'amour dans ma vie. Beaucoup reçu, beaucoup donné. J'ai toujours envie de dire... Take care. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour gaspillé partout, salopé, massacré. C'est ça qui me met en colère. Ma rage, c'est ça. Quand il n'y a plus de rage, il n'y a plus rien. Un coma généralisé. Vous voyez ? Quand je ne chante pas, j'écris. Quand je n'écris pas, je peins. Ma rage et mon amour. Bon, je ne peux pas sauver le monde. I'm not a fucking idiot. Je suis pas une idiote, mais je peux vous mettre en colère et vous faire pleurer. That's what I do. I hope I do. C'est ce que je fais. J'espère que je le fais. Make you cry and shout for love. I hope. Vous faire pleurer et crier au nom de l'amour. J'espère. Sinon, je laisserai tomber. Je nageais dans la mer. Patti et les vagues me passaient dessus. Voilà, il y avait les vagues. C'est là que j'étais, dans les vagues, avec les vagues. Sous les vagues. Waves. C'est venu comme ça. La première vague, c'était chanté, bien sûr. Le concert à Florence. Le dernier avant la pause. La déferlante avant l'amour. Singing. Love. Rock'n'Rimbaud. Vivre sa vie. Aucune vague n'a raison d'elle. Entre les vagues du rock, du punk, des hippies, du sida, des drogues, des communautés, de la célébrité, de la foule, de la famille, des hommes, de la mort... Wave, wave, entre les vagues, j'avance vers le micro. Je n'ai pas peur. Toronto 1995. Patty vient de remonter sur scène. Elle fait taire les rumeurs, les méchancetés, les jalousies, les apitoiements. Elle parle à son public. I have not returned because I never went away. Je suis pas revenue parce que je suis jamais partie. Tout ce temps, j'étais avec vous. Quand je nettoyais ma maison, je pensais à vous. Quand je changeais les couches de mes enfants, je pensais à vous. Vous me croyez ? Vous devez me croire. Les vagues, ce sont elles qui comptent. Ces structures et matières, ces corps. C'est ça qui dicte l'écriture. J'ai plongé. Écrire. L'exactitude et les vagues. Le bon endroit d'où parler et la musique. Le bon endroit, c'était de n'être ni je, ni elle, ou d'être les deux, d'être l'une et l'autre, elle-je. Je venais de trouver un nouveau nom, le nom, le personnage, n'aurais-je trouvé que cela, elle-je, un trésor que m'offrait Patty. En réalité, c'est le bon endroit pour écrire tout, elle-je. Passer de l'une à l'autre, c'est ce qu'on fait toujours, dire elle pour éloigner je, dire je pour se rapprocher d'elle. Paris, Olympia, 28 mai 2007. Lenny Kaye, J.D. Daughtry, Oliver Ray, Tony Shanahan and Patty. 2 heures de concert. Chansons récentes et anciennes. Avec Gloria, toute la salle reprend. Sur Gloria, toute la salle reprend. La vague monte. Sur Rock'n'Roll Nigger, la salle crie. Outside of Society. Le 6 mai, la France élit son nouveau président. La vague redescend. No Bushido. Bush, non. J'ai 61 ans. Je vous aime. J'ai gardé la même rage. Love and anger, peace and noise. Amour et rage, paix et fureur. I remember Fred. People have the power. Write it. There's no fucking reason for people to be fighting and killing each other. Je me souviens de ce que m'a dit Fred un jour. Le peuple a le pouvoir, écris-le. Il n'y a aucune raison pour que les gens s'entretuent. J'ai 47 ans, la même rage. Non à la discrimination, non aux insultes. Don't stand for it. À 9 ans, Patty recopie la déclaration d'indépendance sur des rouleaux de papier. À 18 ans, c'est le visage de Rimbaud en couverture qui lui fait acheter le livre. En 1997, Patty Smith sort son 7e disque, Peace and Noise. Dans Patty Smith, The Complete, 1975-2006, on trouve le dessin qui s'intitule également Peace and Noise, composé de fragments de son album. Les mots et les bouts de phrases forment les pétales d'une fleur explosive. Why should I have had to choose? Drawing, writing, singing. Pourquoi j'aurais dû choisir? Peindre, écrire, chanter, tout est intensément physique, tout part du corps. Quand le corps part, la main prend le relais. Quand la voix n'est plus publique, tu l'entends encore et tu écris, tu dessines. I'm still a physical architect. Je suis toujours une architecte du corps. I write to have somebody. J'écris pour avoir quelqu'un. You sing, you draw to have somebody. Tu chantes, tu dessines pour avoir quelqu'un. To make contact, to make love. Pour être en contact, pour faire l'amour. Pendant toutes ces années, j'ai écouté le monde. Peace and noise, not peace and love, peace and noise. Tout est mêlé, tout se tient. Je me tiens dans ce tout. Les mots sont des images et les images sont des mots. Septembre 2001. Patty est dans son atelier et travaille à une exposition qu'elle doit faire pour le musée Andy Warhol à Pittsburgh. Sitting here, in my little space, on this summer evening, I regard the empty walls. Elle écoute Les Nuits d'été de Berlioz par Eleanor Stieber. Assise ici, dans mon petit atelier un soir d'été, je contemple les murs vides. Je travaille le corps plein d'un rêve dans ma cabane au fond du jardin. Elle vient d'envoyer ses dessins au musée. C'est la fin de l'été 2007. Bientôt, je rentre à Paris, le 11 septembre. Septembre 2001. Les Twin Towers tombent, emportés par 2 avions aux mains des terroristes d'Al-Qaïda. Patty prend des notes et bientôt se met à peindre des avions de papier couverts de mots et de phrases, des tours penchées sous lignées d'écriture. Jean Pâture. Je croise Patty et moi. Au large de la fiction, la réalité croise au plus serré. Qui entre dans mon lieu d'écrire? Qui me parle ? Vendredi dernier, Scheherazade et ses deux enfants, Selena, 3 ans et demi, et Riles, 2 ans et demi, ont été expulsés vers l'Algérie Sabina après 31 jours une première fois d'embarquer sur un vol Air France, malgré les menaces et les pressions. Le 9 août, elle est menottée devant sa fille. Tombée du 4e étage, avant veille du terme de sa rétention, 21 août, 69e jour de grève de la faim pour les sans-papiers de l'île. Deux hommes, des Marocains, ont été embarqués dans un avion à destination de Casablanca, à l'aéroport Charles de Gaulle, sans consultation médicale, malgré la demande du commandant de bord. J'écoute les voix humaines. Je recopie ces lignes de Patty écrites à la fin de l'été 2001. The work contains, even in its apparent remoteness, all the abstract tears shed for people I never knew. Même dans son éloignement apparent, le travail contient toutes les larmes abstraites répandues pour des gens que je n'ai jamais connus et cependant étrangement pleurées. Il contient le chemin des sentiments, leur processus, leur transformation. Il contient l'amour du mot. It contains the momentary end of things. The end of respect for life, for history. Il contient la fin momentanée des choses, excitement and the la fin du respect pour la vie, pour l'histoire, and the ache in the chest for engaging in a response to public tragedy. Et toutes les heures passées à réfléchir aux événements qui ont déclenché des changements si sombres dans notre monde, et la regrettable montée du nationalisme, et le triste sort de nos enfants. Voilà à quoi je pense dans mon atelier, pendant les nuits d'été, de solitude et de travail. Oh God, leave me something. I'm so goddamn young. Oh Dieu, laisse-moi quelque chose. Je suis tellement jeune. C'est le lendemain du 11 septembre 2001. Elle note 9-11, puis 9-12, 9-13, etc. Le 12 septembre, elle dit que lorsque les tours sont tombées, elle a pensé à Jean Genet, à Picasso, qui aurait su dire, dessiner. J'ai pensé que je ne pourrais jamais, que l'art était inutile. Le 13, elle note. Dans la rue, les gens crient « USA, USA ». Le 14, elle dit que c'est un jour de deuil. Le Dieu d'Abraham pleure, Allah pleure. Les pieds de Jésus et de Mahomet sont trempés de larmes. Jour de deuil, dit-elle. Mais quel deuil célébrons-nous? Le deuil de qui? De quoi? De l'humanité représentée par l'architecture? Du sort du peuple afghan innocent? Ou bien célébrons-nous le deuil de notre incapacité comme peuple à parler, à communiquer? Nous sommes toujours les enfants de Babel, parlant des langues séparées, incapables de nous comprendre les uns les autres. Le 15 septembre, elle ajoute... Il y a longtemps dans un autre siècle. Il y a longtemps dans un autre siècle. J'affirmais avec arrogance. Je suis une artiste américaine et je ne suis coupable de rien. Aujourd'hui, je suis bien obligée de dire. Je suis une artiste américaine et je me sens coupable de tout ce qui arrive. Mais je ne me détournerai pas. Je continuerai à travailler. C'est ce que j'ai de mieux à faire. En priant pour que je ne me réveille pas un matin. Avec le sang du peuple afghan. Sur mes mains. C'est quoi ce siècle? What kind of a century is this? C'est quoi ce siècle? Un siècle de 7 ans, déjà plein de croix. Un siècle de les 7 croix, ans, déjà plein de compte croix. Les morts, les croix, mots, les morts nagent. Outside of society, they're waiting for me. Hors de la société, ils m'attendent. Hors de la société. Ils ne sont pas ils morts. M'attendent. Ils dansent entre les vagues. J'ai le corps plein d'un rêve. That's why I write. C'est pourquoi j'écris. C'était « Le corps plein d'un rêve, cette vie de Patti Smith » de Claudine Galea, avec Singing Patti, Valère Habermann et Chloé Baker. L'autrice, Alexia Monduit. La journaliste, Andrea Schiffer. Et les voix de Claudine Galea, Hazel Carr, Geoffrey Carey, Nathalie Royer, Thierry Pietra, Julien Villa, Laure Roldan. Prise de son, montage, mixage, Bernard Lagnel, Valérie Lavalard, Bruno Mourlan. Assistante, Annabelle Brouard. Réalisation, Marguerite Gâteau. I got 7 ways of going. I got 7 ways to be. I got 7 sweet disguises. 7 ways of being me.